une histoire particulière. Juillet 2013, la liste de Schindler a été mise aux enchères. Non, pas une copie, mais bien l'original. Un authentique morceau d'histoire mis en vente sur eBay au prix de 3 millions de dollars. Il existe 4 exemplaires connus de la liste de Schindler. Les 3 autres sont dans des musées. 2 au mémorial de Yad Vashem à Jérusalem et 1 au mémorial de l'Holocauste à Washington. Le document liste 801 noms d'hommes sur 14 pages. La date du 18 avril 1945 est inscrite, au crayon, sur la première page. Oskar Schindler, un industriel allemand, avait réussi à sauver plus d'un millier de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il les avait fait inscrire sur la liste de ses employés d'usine et sauva ainsi 1100 juifs des camps de concentration. Ce week-end, nous sommes en 1941, à Marseille, en zone libre. Il faut fuir à tout prix l'Europe et le régime de Vichy, car le danger est imminent. Nesma Boikra et Julie Béressy vous font revivre le récit d'un autre sauvetage et d'une autre liste. Varian Fry, c'est quelqu'un qui est un jeune Américain bien comme il faut, de gauche américaine, décrit comme un jeune homme bien habillé, très courtois, dans cet univers de réfugiés harassés et dépourvus de tout, qui arrive à Marseille. À ce moment-là, il prend l'histoire en pleine figure et il va se confronter au malheur, à la tragédie de l'histoire. Parce qu'en 1940, à Marseille, c'est plus seulement un pays, c'est toute l'Europe qui est là. Et tout à coup, c'est vraiment une question de vie ou de mort. Au moment où la France est envahie complètement par l'Allemagne. Donc l'action de Varian Fry est prévue dans un cadre légal. Et en fait, il va être poussé par, finalement, la réalité de ce qu'il voit vers une action illégale. Le 24 mars 1941, le destin des lettres françaises. Épisode 1, la très longue liste de Varian Fry, un documentaire de Nejma Boikra et Julie Béressy. Varian Fry meurt discrètement en 1967, sans médaille. Son combat a pris un demi-siècle pour remonter à la surface de l'histoire. En 1935, il est à Berlin. Jeune journaliste, il assiste à un pogrom anti-juif sur une grande artère de la capitale. En 1940, il est à Marseille. À l'œuvre dans une modeste organisation, il tente de faire évader de la ville devenue souricière les réprouvés de Vichy, les juifs évadés d'Allemagne, des camps d'internement français, les opposants autrichiens, tchèques et les républicains espagnols. Le président Roosevelt, en relation diplomatique avec Vichy, est embarrassé par son action. Mais ses soutiens, de Peggy Guggenheim au Jewish Labor Committee, s'activent dans l'ombre. Il persévère. Imaginez un modèle de Mayol, Dina Vierny, cette femme aux rondeurs de bronze, défricher un chemin de traverse pour s'enfuir par l'Espagne. À ses côtés, sur les cols pyrénéens, Varian Fry. Il aura 13 mois. La France l'expulse. Il en fait trop. Lui venu avec une liste d'une centaine de noms, l'allonge et y ajoute des pestiférés tels Victor Serge. L'indomptable revenu d'une longue relégation en URSS et d'Espagne, non, lui, personne n'en veut, surtout pas les États-Unis. Hannah Arendt, Marc Chagall, Marcel Duchamp, Marx Ernst croisent son chemin. Lors de ces longs mois de transit, l'espérance est par la mer. André Breton, Guy Fridolam, Anna Segers, Claude Lévi-Strauss trouvent un sauve-qui-peut. Un navire qui a tout d'une galère, le capitaine Paul Lemerle. 29 mars 1941, hôtel de Rome. La chambre en débâcle. Vers 9h, taxi. Adieu aux rues. Canebière, cours Saint-Louis, poste Colbert. Tu descends. Le port, longue attente devant la grille. Simone Veil, sous sa pèlerine Loden. Crochu, cheveux longs. Yeux gris, intelligent et un peu fou. Hangar 7, Pinède, salle, vaste écurie, piétinement, longue attente, contrôle, fil. Ta présence, nous confiant sûrs de nous-mêmes, inconscients de la séparation. Ton courage, embarquement, toi, Dina Vierny sur le quai, des fleurs rouges entre les mains. Que tu es jolie. courageuse, souriante. Derniers instants, nous à l'avant, debout sur la construction en planche, ton sourire radieux, désolé. Parti vers 1h30. Regardons lentement Marseille s'éloigner. Pensée de ta solitude, j'étouffe une déroute. Victor Serge. Victor Serge, il a cette belle expression, il dit « c'est une boîte de sardines avec un mégot collé dedans ». Il s'agit un peu comme ça d'un nom connu, un peu mystérieux, dont on ne sait pas ce que c'est, ce Paul Lemerle, sinon une bassine rouillée, comme elle nous est décrite. Adrien Bosque, auteur. Un peu nimbé de mystère, c'est vraiment une sorte de navire cargo un peu vieilli, un peu fatigué. Un capitaine Paul Lemerle, où on voit tout de suite la banderole Vive Pétain, qui est sans doute une banderole accrochée au moment de la descente de Pétain en décembre 40 à Marseille, et qui perdure, en tout cas, sur le bateau. C'est une sorte d'étendage ramolli. Déjà, un rafio. Je partirai de Marseille au départ. En 40. En 40. Un peu avant 40, Marseille est une ville rouge. C'était désigné comme une ville de collectivistes. À l'époque, c'est comme ça qu'on désignait socialistes. Robert Menkirini, historien. Et puis là, en 1940, Vichy intervient, va faire peser sa dictature sur Marseille à tous les niveaux. Alors ça sera la municipalité qui sera modifiée, mais ça sera les mesures qui sont prises au niveau de l'épuration des fonctionnaires. Par exemple, souvent on ne sait pas que si on a un père étranger, on est licencié comme fonctionnaire. Alors ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ce régime qui pèse sur Marseille va être accepté par la masse de la population. Quand le maréchal Pétain vient à Marseille les 3 et 4 décembre 1940, il est accueilli par une foule en folie. On a tous les témoignages, on a les rapports de police, on a des films qui montrent qu'il y a un accueil très très chaleureux. Henri Freinet, qui est devenu un grand résistant, dit qu'il n'avait jamais vu ça. On embrasse le manteau du maréchal. C'est une ferveur religieuse. Convention d'armistice signée à Retonde le 22 juin 1940. Le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat. C'est une période tragique, déjà. Donc on peut imaginer la fuite de nombreuses familles sur les routes, pilonnées par l'aviation nazie. Jean-Michel Guiraud, historien. Mais surtout, c'est l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés. Et d'ailleurs, Henri Freinet écrit dans ses mémoires que la ville est bondée, les hôtels surchargés, il y a des gens qui dorment dans les squares, sur les bancs publics, etc. Qui sont ces indésirables à Marseille en 1940 ? Les indésirables à Marseille sont tous les étrangers qui ont fui l'avance de l'armée allemande par le nord, c'est-à-dire le système nazi en particulier. Donc il y a beaucoup d'Allemands, d'Autrichiens. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas oublier aussi que dans la région, on a les fascistes italiens. Donc il y a les Italiens qui ont fui le fascisme et qui se retrouvent aussi à Marseille. Ce qui fait qu'on a à Marseille une population très très composite. Et sans compter tous les étrangers qui ont fui les régimes dictatoriaux qui sont instaurés en Europe centrale. Donc on a une masse de nationalités absolument énorme. Varian Fry, Marseille, 18 septembre 1940, Hôtel Splendide. Les réfugiés se pressent dans le hall. Le mot a été donné en ville. Que faire ? Les visas sont délivrés au compte-gouttes par les États-Unis. Roosevelt serre les vis. Peut-être par le Mexique. Pensez à appeler le consul, très coopérant, Gilberto Bosquet. Je suis ce cheval de course attelé à un chariot de pierre. Son nom est étrange. Frei en allemand, ça veut dire liberté. Alors cet homme, c'est un protestant. Il a une allure très sévère, des lunettes en écaille. Et puis il descend assez fièrement les escaliers de la gare. On a retrouvé des photos, on a beaucoup de photos de lui. Il ressemble à un acteur de cinéma. Mais il arrive de Madrid par le train. Et il arrive à la gare Saint-Charles et donc il cherche un hôtel. Impossible de pouvoir se loger. Tout était bondé, etc. Finalement, Varian Fry arrive à rentrer à l'hôtel Splendid. Et Et là, il loue une chambre et en faisant couler l'eau pour qu'on n'entende pas les conversations à cause des écoutes téléphoniques. Puis il avait trouvé des systèmes de branchement aussi. Le bouche à oreille fait que tout le monde apprend qu'il y a un Américain à Marseille qui est capable de, disons, de porter secours, d'aider les réfugiés en détresse, notamment les écrivains et les artistes. Et donc, très vite, l'hôtel est bondé de réfugiés, le rez-de-chaussée, la direction de l'hôtel commence à lui dire que ça ne peut pas être comme ça, que ça va affoler la police, etc. Alors, il n'est pas encore vraiment inquiété, mais disons qu'il prend les mesures qu'il faut. Mais comment faire une sélection parmi les réfugiés ? La première image qui, moi, personnellement, m'avait beaucoup agacé, c'était une espèce de... Charles Jacquier, auteur. Voilà, de jeune libéral américain, tantiné, naïf, si on peut dire, une espèce d'humanitaire avant la lettre, quoi. Qui débarquait, pas par hasard, mais presque, en haut des escaliers de la gare Saint-Charles, avec une liasse de dollars dans la poche et une liste de noms de personnalités, principalement artistiques, célèbres, qu'il fallait venir sauver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Varian Fry s'occupe donc de cette structure qui s'appelle Emergency Rescue Committee. Emmanuel Loyer, historienne. Qui est installée à Marseille et qui est en relation avec un certain nombre d'associations ou de fondations américaines qui sont les acteurs essentiels de ce sauvetage transatlantique. C'est-à-dire que l'exil rendu possible d'un certain nombre de gens fonctionne à partir de réseaux de solidarité transatlantique, des réseaux religieux, les associations juives notamment, des réseaux professionnels, et ça va être le cas beaucoup pour Varian Fry, notamment pour le sauvetage d'universitaires, des réseaux parfois politiques, sur la social-démocratie européenne, ou des réseaux syndicaux, avec par exemple le Jewish Labour Committee. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est être une sorte d'interface entre cette mobilisation de la société américaine, déjà depuis un moment, et la nasse de Marseille, où se retrouve un peu au bout de l'Europe, comme ça, comme dit Lévi-Strauss dans Triste Tropique, toute la racaille. On se construit une façade légale, c'est le Centre américain de secours. On a enveloppé du drapeau américain des actions qui étaient pas tout à fait légales et pas tout à fait dans la norme. Fry arrive le 13 août 40 à Marseille. Il se met au travail quasiment immédiatement. Et dès le mois de septembre, il y a une route clandestine qui part de Banouils pour traverser les Pyrénées. D'emblée, le fait qu'on comprend qu'on ne va pas pouvoir fonctionner comme un simple réseau humanitaire utilisant les voies légales, quoi. Et c'est en ce sens-là, je pense, que le comité Fry constitue, comme l'a dit Victor Serge, une sorte de résistance avant la résistance, quoi. Alors au départ... Il a une liste où il y a Henri Matisse, Pablo Picasso, André Gide, des gens qui ne viendront pas partir pour les États-Unis. Alain Peur, galeriste. Mais très très vite, il apparaît comme un homme providentiel, ça se répand dans tout Marseille. Et donc ce sont des exilés, des intellectuels, mais c'est aussi n'importe qui. Alma Mahler et son compagnon, de la fortune. Il y a Anna Segers qui est là aussi, elle va faire partie des gens qui vont partir sur le capitaine Paul de Merle. Et ce qui me frappe aussi, justement, c'est que ces gens qui sont complètement perdus dans la ville, eh bien, ils vont, coïncidence, se rencontrer. Cette ville, qui est une ville quand même assez chaotique, assez reste hospitalière, parce qu'il y a des structures d'accueil. Il y a cette revue, Les Cahiers du Sud de Jean Ballard, qui est un lieu de rencontre permanent, c'est une boîte aux lettres. Et de même, il y a les cafés. Alors, il y a par exemple ce fameux café du Brûleur de Loup. On y va ? À quoi ressemble ce café ? Bon, c'est un café-restaurant. Brûleur de loup, ça veut dire je fais des grillades avec des loups. Les loups, ce sont des poissons. Hein. C'est assez simple. C'est un endroit où on peut consommer un petit peu, où on peut rester toute la journée parce qu'il fait froid dehors et on peut retrouver les copains. C'est là aussi où André Breton et les surréalistes se réunissent. Breton avait choisi ce nom parce qu'il avait évidemment une consonance presque poétique, ça faisait très romantisme allemand. Et il se retrouvait là parce que c'était aussi pas loin du local des Cahiers du Sud. Et alors comme ça, autour d'une table, c'était exactement le moment où, parce que Breton veut reconduire la civilisation surréaliste, quand il était à Paris, il se réunissait entre amis et puis il faisait des jeux. Et donc, on est en période de terreur, on est en période d'anxiété, mais il y a une espèce d'injonction d'André Breton qui dit « maintenant, on va jouer ». On essaye de faire des papiers collés, on essaye de faire des cadavres exquis, c'est la discipline surréaliste. Il faut suspendre le tragique, il faut retrouver le rêve, il faut trouver quelque chose de convivial et de délicieux. Il faut le resituer cet homme à cette époque-là, il est né en 1896, c'est un quadragénaire. Et cet homme-là est en train, finalement, de connaître un moment de bascule dans sa vie. Et juste auparavant, il avait acquis une posture internationale. Il était allé à Mexico, il est allé à Prague. Et puis, brusquement, tout se rétrécisse. Et puis, il est quand même un gibier de camp d'internement. Il n'a pas été emprisonné, mais de temps en temps, dans la presse réactionnaire, dans la presse vichiste, on met son nom et on dit que c'est quelqu'un qui peut, comme ça, influencer nocivement la jeunesse. Sa manière de combattre, c'est échanger avec des artistes, avec des écrivains. Alors il poursuit ça à sa façon, malgré tout, à Marseille, mais dans des conditions de précarité. Et là, nous arrivons en place de Noailles. On est à côté de la station Noailles. Il faut imaginer que c'est à partir de là que Breton prenait le tram pour aller du côté d'Aubagne, du côté de la Pomme, pour rejoindre la Villa Herbel. Donc on prend ce tram, on arrive dans une grande allée de platanes. Et alors à l'intérieur de ça, oui, il y a un moment de rémission. Et Varian Frey était particulièrement heureux parce que il avait remarqué qu'il n'y avait pas de ligne téléphonique. Donc d'habitude, il travaille 20 heures sur 24, etc. Mais il a un moment de rémission. Les week-ends sont à peu près tranquilles. Alors c'est pas une datcha, c'est pas quelque chose de confortable, mais ça se trouve tout à fait merveilleux. Et donc il y a de l'angoisse, mais il y a de la rémission. Il y a une espèce d'été indien pendant l'automne. On voit André Breton et Jacqueline Lamba et Aube dans une serre et c'est quelque chose de tropical. Également, c'est très étrange, en décembre, janvier, il y a la neige qui remplit les rues, etc. Il y a des skieurs qui descendent la Canebière, c'est très étrange, quoi. Et puis il y a d'autres festivités, alors il y a les dimanches tout le monde vient, René Chartres, Ritz and Zara vont venir. Par exemple, sur les grands arbres de la Villa Herbel, on a accroché des tableaux. Il y a des Max Ernst qui sont aujourd'hui à la Fondation Guggenheim à Venise, qui ont été accrochés là, parce qu'on fait comme ça une espèce de pseudo-vente aux enchères, parce qu'il faut essayer de continuer d'exister, quel que soit le chaos qui nous entoure. Alors nous sommes en plein cœur de ce château qu'on appelait le château Espervisa. Le soir, on a coutume, on y boit du vin blanc, on y ramasse dans le jardin des brindilles et des mantes religieuses qu'ils adoraient capturer et placer parfois sur une table pour leur donner quelques inspirations. Guillaume Tellière, conservateur. La mante religieuse où certains insectes peuplent l'univers du rêve, l'univers onirique du rêve, ou parfois du cauchemar. Elle a été interprétée aussi par Freud comme un insecte divinatoire et hautement sexué. Et il va se créer une sorte d'osmose intellectuelle et poétique. Et l'idée, c'est de récupérer tout ce qui nous passe par la main, des feuilles de calque, des petits bouts de papier. On n'a pas de toile, on n'a pas de peinture à l'huile, on n'a pas de pinceau. Et toujours de créer, dans le seul but finalement de s'évader de cette France empoisonnée, si je puis dire, par l'occupation. Et donc, continuer à jouer, c'est très courageux en fait. Parce qu'on pourrait penser que ces gens qui sont dans une villa un peu protégée et qui s'amusent à faire un jeu de cartes ou des choses de ce genre, ou des petits dessins, ou des petits poèmes, sont un peu des... Ils sont des privilégiés, mais en même temps, c'est un jeu dangereux, parce que c'est le signe que la liberté est toujours là, est toujours à l'œuvre, et est toujours active. Daniel Maximin, auteur. Et que quelque part, c'est la vie, en un mot, plus forte que la mort annoncée, prévue, et, ou programmée. C'est de l'inutile, un poème, ou un dessin, face à une mitraillette. C'est presque un jeu. On court la nuit, on écrit « Vive la liberté à la craie », puis on s'enfuit. Mais en même temps, si on est pris, on peut être fusillé. Et donc, quelque part, dans toutes ces œuvres, on continue à jouer. On fait des rêves éveillés, on fait des jeux. Enfin, ils font un jeu de cartes, donc c'est quand même vraiment presque scandaleux quand on regarde par rapport à l'horreur nazie qui est en ce moment-là. Mais en même temps, c'est d'une force et d'une puissance quand on regarde. C'est la vie qui se moque. Chaque seconde, chaque minute est quelque chose qui est volé à l'oppression. Il faut des petits bouts de papier. C'est pas un hasard s'il y a des tout petits tableaux. Il faut des poèmes courts. Ça n'est pas une saga parce que l'oppression ne permet pas tout ça. Il faut faire vite. D'où la nécessité de la vitalité, la nécessité de jouer, de la création. Que ce soit pour le peintre ou maçon, ou que ce soit pour le poète comme Breton. Parce qu'il faut donner sa chance à la seconde qui est là. C'est un peu ça aussi dans le surréalisme, ne pas préparer en quelque sorte. Hein. Il faut lutter par, en quelque sorte, l'inverse de cette mort et de ce mortifère nazi. Mais c'est aussi un jeu. Nous sommes dans ce temps tragique, et bien il s'agit de suspendre le tragique, il s'agit de jouer, parce que le jeu, c'est autre chose, c'est peut-être l'impossible, c'est l'inconnu qui va survenir. Alors c'est un peu candide, mais c'est aussi toute la leçon du surréalisme. Jacques Hérold parle très très bien de ça, il disait « on va d'une étincelle à l'autre, et au bout de l'étincelle, il y a peut-être de l'inconnu ». C'est un pari, c'est un pari surréaliste, par rapport à la débâcle, par rapport à la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, ça paraît dérisoire, mais c'est comme ça que s'institue de la fraternité et de la convivialité. On rebat les cartes et on invente un jeu. Oui. Là, c'est toujours le désir de subversion d'André Breton. Il est allé à la bibliothèque municipale de Marseille, il a consulté des tarots, des jeux de cartes, et il n'a pas envie de faire le jeu de cartes banal et qu'on comporte aujourd'hui. Alors, donc ça ne va pas être As, Trèfle, Carreau, on va instituer autre chose. À la place de ces grandes couleurs du jeu de cartes, eh bien, il va y avoir le domaine de la connaissance, le rêve ou la révolution. Et puis les personnages, ce ne sont plus des rois, des valets, des reines, ce sont les grands intercesseurs du surréalisme. Il va apparaître Baudelaire, il va apparaître Novalis, Paracelse ou bien Pancho Villa. Alors, Pancho Villa, c'est aussi l'icône de la révolution mexicaine à cette époque. Et par ce biais, les surréalistes vont s'en faire une sorte d'avatar. Sachant que la révolution est peut-être l'une des clés de lecture du surréalisme, l'engagement politique qu'il y a derrière est absolument fondamental dans leur imagerie. Ici, Max Ernst, qui précédemment d'ailleurs avait été enfermé au camp des Milles, parce qu'il a été considéré en tant qu'allemand, artiste allemand en France comme apatride, a pu en sortir, et à côté de ses acolytes surréalistes, il propose ici un portrait de ce révolutionnaire mexicain en oiseau. Il utilise ici finalement une iconographie qui lui est habituelle, c'est cet oiseau Lop-Lop, qui est le double même de l'artiste à travers lequel il peut rêver à d'autres mondes. Alors la carte la plus subversive à mon sens, c'est l'As de la Révolution qui est choisie, tirée au sort par Jacqueline Lamba, qui est l'épouse d'André Breton. Et c'est une œuvre absolument révolutionnaire, au fond, tant elle ne représente plus rien, si ce n'est dans son fond. Parce que là, l'artiste va choisir de faire jaillir en fait une énorme tache rouge sanguignolante sur sa feuille de papier, et elle va dessiner ensuite une roue comme une sorte de roue de la fortune ensanglantée. Ils sont tous dans l'attente d'un départ, dans l'attente de jours meilleurs, dans la crainte d'être arrêtés, dans la crainte de ces horreurs qui sont là tout autour. Hein. C'est terrifiant ce qui se passe autour, parce que il y a des milliers de gens qui sont là. Il y a des pauvres, il y a des gens réfugiés depuis longtemps, presque hagards souvent, en tout cas sans rien. Ils voient ça, ils sont dans ce milieu, ils ne sont pas comme des gens protégés dans un no man's land tranquille. Ils ont une conscience forte de ce qui se passe. Le moins qu'on puisse dire des surréalistes, c'est qu'ils sont contestataires. Ouais. Donc ils remettent en cause tout le système, et pas seulement Vichy. Hein. Donc Vichy ne peut pas les tolérer. Et d'ailleurs, ils vont être raflés, hein, comme tous les autres, emmenés sur des bateaux au large quand Pétain viendra. On n'est pas tranquille du tout. Il peut y avoir des rafles, il peut y avoir des coups tout à fait fumants. Au brûleur de loup, il est arrivé que ça se produise. Lorsqu'en décembre 1940, le distingué maréchal Pétain vient faire une grande allocution, une grande visite, il y a une foule en liesse, mais par précaution, tous les gens qui sont opposants, et on les chiffre presque à 20 000, ont été parqués dans des endroits. André Breton, Varian Fry et ses amis de la Villers-Belle vont se retrouver dans une soute pendant 4 jours, dans un paquebot qui s'appelle le Sinaï. C'est quand même toujours dangereux et toujours précaire. C'est normal que ces têtes de pont de la contestation soient visées par le régime. Je crois que ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, il y a aussi ceux qui sont juifs. Ouais, donc, ils sont poursuivis simplement par ceux qui sont. Ils sont juifs, donc voilà. Et puis ceux qui ont été engagés avant, alors les socialistes, les communistes, bien sûr, qui sont le premier ennemi de Vichy, etc. Alors, ce qu'il y a pour ces réfugiés, finalement, il va y avoir une volonté de partir telle que ça pousse aux portes du port. À Marseille, vous avez tous les consulats qui ont quitté Paris et qui se retrouvent dans la capitale phocéenne. Et pour faire les papiers, on est obligé de passer par les consulats. C'est extrêmement compliqué d'obtenir les papiers pour partir. C'est très difficile, d'où les départs qui sont organisés clandestinement, alors par Varian Fry, c'est l'une des premières filières, mais par beaucoup d'autres filières, et y compris par des étrangers. C'est ce qu'il faut voir aussi, c'est ce sont les étrangers qui sont moteurs de la première résistance. Ce que j'appelle, moi, la résistance d'aide et de sauvetage. On fabrique de faux papiers, de faux visas, enfin, etc. Pour exfiltrer le maximum de personnes. Quoi. Comment on fait ? Ben, on fait des faux, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un artiste qui fait partie du comité Fry, qui savait extrêmement bien dessiner, ben, qui se charge de falsifier des tampons. Disons que celui qui faisait les fausses cartes d'identité, Bill Fryer, alias Willy Spira, autrichien, caricaturiste. Bon, il a été arrêté plusieurs fois, il a même été déporté, il a échappé de justesse à la mort. Et lui, il faisait donc de fausses cartes d'identité. Et ce qu'il fallait refaire, c'était le cacher. Et pour ça, Bill Fryer, il réussissait très bien. Et ça, c'est le réseau de Varian Fry qui est toujours dans l'illégalité, qui est obligé de fréquenter toutes sortes de milieux parce qu'il faut faire des passages, il faut franchir les frontières, il faut inventer des documents qui n'existent pas. Je pense toujours à ce réseau absolument extraordinaire qui s'appelle le réseau des croque-fruits, qui permet à quelque chose comme 200 personnes d'avoir un bulletin de salaire. Alors les croque-fruits, c'était quelque chose d'assez merveilleux où on retrouvait des gens comme Sylvain Itkin ou comme Jacques Hérold ou comme Francis Lemarque. Parce que là encore, il y a une espèce de cooptation qui se fait. Les gens se retrouvent, ce sont des comédiens, ce sont des intellectuels et ils n'ont pas de quoi manger. Alors comment faire pour avoir un bulletin de salaire ? Eh bien, on va créer une entreprise autogestionnaire et fabriquer des friandises qui s'appellent les croque-fruits. Alors c'est vrai que les croque-fruits, après, c'est de la résistance parce que quand on est représentant de croque-fruits, on peut s'en aller comme ça dans toute la France, on a un justificatif et on peut devenir un réseau. Monsieur Crémieux, qui était un grand résistant, a salué Sylvain Itkin parce que Sylvain Itkin, par la suite, va être quelqu'un qui va être massacré par Klaus Barbie quelque part à Lyon. Sylvain Itkin, qui était un acteur ? Qui était un acteur, un comédien, qui avait réalisé voici peu, en 1937, une adaptation du Burroi. Et là, on se retrouve dans les mêmes connivences, puisque Alfred Jarry, Burroi, c'est l'un des personnages du jeu de cartes de Marseille. Le grand mérite de Fry, ça va être de dépasser considérablement la liste initiale, en aidant des gens qui n'étaient pas du tout prévus d'aider au départ. Les gens qui quittent la France grâce à l'aide de Fry, je pense que ça tourne à peu près autour de 2000 personnes, quoi, 1800-2000 personnes. C'est-à-dire 10 fois plus que ce qui était prévu. Avec Emmanuel Loyer, historienne, Robert Menkirini, historien, Daniel Maximin, auteur, Adrien Bosque, auteur, Jean-Michel Guiraud, historien, Guillaume Tellière, conservateur au musée Cantini de Marseille, avec également Alain Père, galeriste, et Charles Jacquet, auteur. Avec les voix de Sonia Masson et Thibaut de Montalembert. À la prise de son, Thibaut Nassim Ben, au mixage, Alain Joubert. À la coordination, Christine Bernard. Un documentaire proposé par Nejma Bouakra, réalisé par Julie Bérissy. À suivre, à bord du capitaine Paul Lemaire. Le second épisode de l'histoire du sauvetage des lettres modernes, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, 14h, c'est l'heure d'aller au cinéma avec Antoine Guillot.